Un sourd murmure parcourt les rangées de badauds immobiles. Rien n'est perdu. Pourtant, au paroxysme du jeu, les amateurs n'ont plus de boules, mais ils tiennent le point à une main du cochonnet. 18h sonne, au clocher de Saint-Paul. Un ange passe. Il reste une dernière boule dans la main de Chichi, le tireur majuscule le farigoule. Et une boule dans cette main, ça vaut de l'or. Il va tirer, il se la sent, il va la fracasser. Les trois étrangers se sont regroupés dans un coin du jeu et bavardent à voix basse, inconscients du pire, qui d'une boule, d'une seule, va les anéantir. C'est normal, ils ne connaissent pas Chichi, le frappeur incontesté depuis 10 ans du club huppé de la Montagnette. Chichi, qui tient une buvette où on danse tous les dimanches sous les pins, au carreau de l'âne. Un carreau, c'est ça. Chichi va leur faire un carreau et l'affaire sera pliée. Comme Gary Cooper, dans Le train sifflera 3 fois, Chichi s'avance sur le sable chaud de la fontaine, conscient d'être reconnu de tous comme le joueur le plus titré des Costières, la vedette des Mano a Mano, l'acteur essentiel et précieux du moment. L'homme, sûr de sa classe, qui ne rit jamais quand il joue, est devenu, peu à peu, la terreur des pointeurs des environs. Bien sûr qu'il va remettre les pendules à l'heure, dans la minute qui suit. La boule sera pulvérisée et une interminable ovation va saluer son dernier exploit. Et puis, fidèle à son habitude, il partira modestement sur un sel gosier, entouré de sa cour de fidèles qui vont le congratuler à grands coups de tapes amicales dans le dos. Tout le monde savait qu'il préparait un carreau. Ça ne pouvait pas durer. Ils avaient laissé faire pour la galerie. Mais on allait voir ce qu'on allait voir.